الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on entre dans le 25e cours de Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la croyance que les musulmans doivent avoir. À travers les cours passés, on a étudié les piliers de la foi, particulièrement 5. Et on est arrivé la semaine dernière, ainsi que celle d'avant, au 5e pilier qui est la croyance, qui est la croyance au jour dernier. On a expliqué ce que veut dire la croyance au jour dernier. Et on est toujours en train de parler sur tout ce qui va en relation avec la croyance au jour dernier. Et on est à la fin de ce pilier où on est proche de la fin. Aujourd'hui, inshallah, on va prendre 2 questions. On va lire et expliquer 2 questions. Ensuite, on va s'arrêter et on va faire une révision du début. Et je vais tous vous interroger et je vais tous vous tester pour voir si quand vous venez avec votre cœur ou bien vous venez avec vos oreilles et que votre cœur est autre part. Et le but de ça, c'est de se faire le bilan de soi-même. De se demander depuis combien de temps on est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis combien de temps on dit qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. Mais est-ce qu'on connaît qui est cet homme? Est-ce qu'on le suit réellement? Est-ce qu'on sait, quand on parle d'Allah, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'Allah correctement? C'est ça la question que le musulman il doit se poser. Donc al-yawm inshallah nadkhulu fi as-su'al al-thamin ba'd al-mi'a. On rentre dans la question 108. Et avant d'entrer dans cette question, la semaine dernière, on a vu l'épreuve quant à l'obligation de croire en la mort. Et également, on a vu des exemples de signes de l'heure, c'est-à-dire de l'arrivée de l'heure de la fin du monde. D'accord ? On révisera ça après, inshallah. On est toujours en train de parler dans les questions relative à la mort et ce qui se passera après. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe après la mort fait partie de la foi au jour dernier, comme on a dit. Car le jour dernier, de manière générale, veut dire tout ce qui va se passer après la mort. Et de manière particulière, il veut dire le jour où Allah nous ressuscitera pour nous juger. Donc, on entre aujourd'hui dans la question 108. ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ Question 108. Quelles sont les preuves qui nous montrent qu'on va être tenté ou plutôt interrogé et éprouvé dans notre tombe et que les gens seront soit dans les délices ou bien dans le châtiment? Vous tous ici croyez qu'on va être interrogé. كلنا نؤمن بأننا نسأل ونفتن في القبر, dans la tombe. Mais qui sait quelles sont les preuves de ça? Et c'est la question qu'on est en train de faire ici. Ici, il nous dit dans sa question 2 choses. La première, fitnatul qabr. La deuxième, adabuhu aw na'imuhu. Fitnatul qabr laysa al-maqsoud minha العذاب أو النعيم وإنما المقصود منها سؤال الملكين لأن هذه فتنة اختبار وامتحان. Donc il y a 2 choses dans sa question: le trouble ou bien la tentation qu'il y a, l'épreuve pardon, le test de la tombe, et la deuxième chose, le châtiment ou le délice de la tombe. Et le test de la tombe qu'on appelle en arabe fitnatul qabr ne veut pas dire, comme croient beaucoup de gens, le châtiment de la tombe. Il ne veut pas dire ça. Mais il veut dire les questions que vont nous poser 2 anges qui sont Munkar et Nakir. Et ces 2 noms-là nous sont rapportés par Al-Tirmidhi dans un hadith authentique selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que 2 anges viendront nous poser 3 questions dans notre tombe. Ces 2 anges ont pour nom Munkar et Nakir. Et la deuxième chose que l'on trouve dans sa question, عذاب أو نعيم القبر, c'est-à-dire le châtiment ou le délice, le châtiment ou le délice de la tombe? Et la réponse à cette question, c'est-à-dire l'épreuve qu'il y aura dans la tombe, un test qu'il y aura dans la tombe, un test, et ensuite un châtiment ou des délices, c'est les versets que nous allons lire maintenant, inshallah. Al-Jawab, قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle dans le Coran, surat al-mu'minun, les croyants, lorsqu'Allah nous parle des gens qui regretteront les péchés commis dans ce bas monde, ils souhaiteront revenir dans ce bas monde pour faire les bonnes actions. Allah nous dit en nous parlant d'eux, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux et qu'ils disent, oh mon Seigneur, fais-moi revenir. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, peut-être vais-je faire les bonnes actions que j'avais délaissées dans ce bas monde. Maintenant il regrette, il veut revenir. Allah lui répond, كلا إنما هي كلمة هو قائلها يعني يتلفظ بها وإن عاد إلى الدنيا لن يعمل بها لأن الله عالم به فهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. Allah répond, mais non, ce n'est juste qu'une parole qu'il prononce, une simple parole. Il dit, ya Allah, fais-moi revenir. Mais si Allah le faisait revenir sur terre, il reviendrait à la désobéissance d'Allah. Allah a dit dans sourate Al-An'am, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et si on les faisait revenir dans ce bas monde, ils reviendraient à leur péché, et certes ce sont des menteurs. Donc comme Allah est leur créateur et qu'il les connaît, ces gens-là, Allah dit كَلَّا إِنَّمَا هِيَ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Mais non, ce n'est qu'une parole qu'il ne fait que de prononcer. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ أَيْ حَاجِزٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et il y aura entre eux et le jour de la résurrection, le jour où ils seront ressuscités, ce qu'on appelle en arabe barzakh. Et le barzakh, c'est un intermédiaire ou bien un obstacle. Et quand on dit le barzakh ici, on parle du monde de la tombe. Car Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, quand il explique le hadith que nous rapporte Al-Bukhari selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui nous explique comment Allah nous a créé dans notre ventre et qu'ensuite les gens vont faire des bonnes actions du paradis jusqu'à presque entrer au paradis et ils vont s'égarer et faire des péchés et vont entrer en enfer. D'autres vont faire des péchés toute leur vie jusqu'à arriver à un moment où ils sont proches de l'enfer, mais Allah va faire devancer leur livre et ils vont faire des actions des gens du paradis et ils vont y entrer. Dans l'explication de ce hadith, Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que la personne yamurru al-insanu bi arba'ati marahil, il passe par quatre niveaux. Al-marhalatu al-ula fi batni ummi, le premier niveau ou degré, c'est quand il est dans le ventre de sa mère. Al-marhalatu thaniya fi 'alam ad-dunya, le deuxième degré lorsqu'il est dans ce bas monde. المرحلة الثالثة في عالم البرزخ, le troisième degré c'est quand il est dans le monde de Barzakh, le monde intermédiaire, lorsqu'il est mort et qu'il attend l'heure. المرحلة الرابعة مرحلة الآخرة إما الجنة والنار, et la quatrième étape c'est l'étape du jugement, après lequel il sera soit au paradis soit en enfer. Donc il y a un monde intermédiaire qui est un obstacle ou une intermédiaire entre dunya et l'akhira, entre le bas monde dans lequel nous sommes maintenant et le monde dans lequel on sera jugé le jour du jugement dernier. Et ce monde là dont on parle est al-barzakh, c'est le monde intermédiaire et c'est le monde, c'est à dire la tombe ou après la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit qu'ils seront dans le barzakh, dans le monde intermédiaire, jusqu'à ce que Allah les ressuscite. Et Allah nous parle ici après la mort, parce qu'Allah nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux et qu'ils disent « Mon Seigneur, fais-moi revenir ». Ensuite, Allah dit « Il y a, après ça, le barzakh, le monde intermédiaire, jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités ». Donc ici, Allah nous parle de « Entre la mort et le jour où ils seront ressuscités », ce qu'on appelle « Alam al-barzakh ». وَهُوَ عَلَمَ الْقَبْرِ فَقَالَ تَعَالَى وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا أي صباح مساء وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dans ce verset qui est dans surat Ghafir, le pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, pour celui qui va comprendre ce verset, qu'il y a il y aura ce qu'on appelle adab al-qabr, les supplices de la tombe. L'imam ibn Kathir rahimahullah, ou plutôt on va expliquer le verset, ensuite on va apporter la parole d'ibn Kathir. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ceux qui suivent Fir'aun, atba'a Fir'aun, il nous informe qu'ils vont avoir le mauvais châtiment, c'est-à-dire un châtiment fort, un châtiment violent, douloureux. Ils vont être châtiés par ça. Ensuite, Allah nous parle, qu'est-ce qu'est ce châtiment dont il nous parle ici? Et il nous dit, An-nar, le feu, yu'radouna alayha, auquel ils seront exposés, ghudouan wa 'ashiyya, chaque matin et chaque soir. Si tu t'arrêtes là, tu crois qu'Allah parle de quel feu? Le feu de l'enfer. Mais est-ce qu'Allah parle du feu de l'enfer ici? Non. Comment on sait qu'Allah ne parle pas du feu de l'enfer? Tout de suite après, Allah nous dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ أي بعد ذلك إذا قامت الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عذابا أشد من هذا. Donc Allah nous dit tout de suite après, et lorsque l'heure arrivera, Allah dira aux anges, faites entrer ceux qui ont suivi Fir'aun dans le châtiment le plus douloureux. Donc on voit qu'Allah nous dit qu'ils seront exposés à un feu chaque matin et chaque soir. Les savants du tafsir, rahimahumallah, nous disent que le feu dans lequel ils seront exposés, c'est un châtiment qu'ils auront dans leur tombe. في قبورهم يعرضون على النار كل صباح وكل مساء ثم بعد ذلك يدخلون نار جهنم. Donc Allah nous explique que les gens qui ont suivi Pharaon, de même que ceux qui les ont pris pour exemple, parce que ces versets ne sont pas particuliers à Pharaon. En premier lieu, ils parlent de Pharaon, et ensuite tous ceux qui ressemblent à Pharaon dans leurs actes et dans leurs péchés. Ces gens-là seront exposés chaque matin et soir à un feu qui les brûlera. Et ce feu viendra dans leur tombe, et c'est le châtiment qu'ils auront dans leur tombe. Et lorsque l'heure arrivera, ils entreront dans le vrai feu de l'enfer. Et l'imam ibn Kathir rahimahullah a dit « هذه الآية » أصل كبير في استدلال أهل السنة والجماعة على عذاب البرزخ في القبور. Ibn Kathir rahimahullah a dit, ce verset est une base, est une grande base, c'est-à-dire une des plus grandes preuves chez les gens qui suivent la sunna, qui nous montre que les gens seront châtiés dans leur tombe, dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, Allah raffermit ceux qui ont eu la foi par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà, et il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, نزلت هذه الآية في عذاب القبر. Ce verset a été révélé pour nous parler du supplice de la tombe, du châtiment de la tombe. Car Allah ici, subhanahu wa ta'ala, nous dit qu'il raffermit les croyants, il les aide à être fermes dans la prononciation de la parole La ilaha illallah, يثبتهم على La ilaha illallah, في هذه الدنيا وفي الآخرة. أما في هذه الدنيا قبل أن يموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأما في الآخرة عند سؤال الملكين فيقول ربي الله هذا نبي محمد وهذا ديني الإسلام. Donc Allah nous montre qu'il raffermit les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. La parole ferme, c'est la ilaha illallah. Qu'Allah les aidera à prononcer avant qu'ils meurent. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entrera au paradis. Et la deuxième, dans l'au-delà, c'est dans la tombe, lorsqu'il sera interrogé par les anges. Il répondra grâce à Allah. Alaykum salam. Il répondra grâce à Allah. Mon Seigneur est Allah. Faqala ta'ala, et Allah a dit, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ. اليوم المقصود هنا ليس يوم القيامة وإنما اليوم الذي تخرج منهم أرواحهم فهو قبل يوم القيامة تجزون عذاب الهون عذاب الهون في القبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am, lorsqu'il nous parle des gens injustes et mécréants et associateurs, et si tu voyais lorsque les injustes seront dans l'ivresse de la mort ou dans les affres de la mort, la souffrance d'avant de mourir, l'agonie, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges viendront tendre leurs mains et leur dire faites sortir vos âmes, les anges qui viendront accompagner Malek al-Maut. Malek al-Maut a pour mission de faire sortir l'âme. Et les anges qui viennent avec lui, eux, ils récupèrent l'âme dès qu'elle est sortie. Ces anges-là diront à l'âme de sortir du corps. Et ensuite, ils diront à l'âme de ces gens-là qui sont injustes, aujourd'hui, vous allez avoir le châtiment de l'humiliation. Quand est-ce que, lorsqu'Allah lui dit aujourd'hui, il parle du jour où leur âme va sortir. Et le jour où leur âme va sortir, ce n'est pas le jour de la résurrection. C'est Al-Barzakh, c'est le monde intermédiaire. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour où l'âme de l'injuste sortira de son corps, Allah dit le châtiment de l'humiliation. Ils seront châtiés. C'est de quel châtiment qu'Allah nous parle ici? La tombe. Le châtiment de la tombe. فقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سورة التوبة الله dit وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Tawba, le repentir, nous parle des hypocrites. Et lorsqu'il nous parle d'eux, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a autour de toi parmi les bédouins des hypocrites. De même, parmi les gens qui vivent à Médine, ils sont rebelles dans leur hypocrisie. Tu ne les connais pas, Allah les connaît. Et nous allons les châtier deux fois. Allah dit ici, en parlant des hypocrites, nous allons les châtier deux fois ou doublement. Nous allons les châtier deux fois. Ensuite, ils seront amenés vers un châtiment immense. Combien il y a de châtiments dans ce verset? Trois châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Nous allons les châtier deux fois. Puis, après cela, ils seront amenés vers un châtiment immense. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, nous dit يُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا يُذِلُّهُمُ اللَّهُ وَيُهِينُهُمْ وَيَعِيشُونَ مَعِيشَةً ضَنْكَ ثُمَّ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ فِي الْبَرْزَخِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. L'imam Al-Hassan rahimahullah dit les deux châtiments dont Allah nous parle ici. Le premier, c'est dans ce bas monde. Allah va les humilier et va faire en sorte qu'ils vivent une vie mauvaise, pleine de gêne et pleine de problèmes. Ça, c'est le premier châtiment d'Allah. Et certains aussi savants du tafsir ont dit que Allah va sauver et va donner le secours et la force et la suprématie aux croyants, et à cause de ça, ils vont être humiliés. يُذِلُّهُمُ اللَّهُ بِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبُ فَتْحِ مَكَّةَ. Et aussi certains ont dit par la conquête de la Mecque. Quoi qu'il en soit, Allah va les châtier la première fois de cette manière. La deuxième fois, c'est dans la tombe. Et après ces deux châtiments, dans ce bas monde et dans la tombe, alaykoum salam, après ces deux châtiments, ils seront renvoyés vers le châtiment du jour dernier. Et bien d'autres versets encore. Donc on voit qu'il nous a donné qu'un exemple ici de preuve, nous montrant que les gens seront interrogés dans leur tombe, et que des gens entreront en enfer, et d'autres entreront, plutôt, des gens seront interrogés dans leur tombe. S'ils réussissent le test et les questions dans la tombe, ils auront le délice de la tombe, comme on va voir après. Et s'ils ratent le test, ils ne répondent pas aux trois questions, eh bien, ils iront en enfer, et avant ça, ils seront punis dans leur tombe jusqu'à ce que les qiyamah arrivent. حتى تقوم الساعة. La question 109. السؤال التاسع بعد المئة. ما دليل ذلك من السنة؟ Quelle est la preuve ou quelles sont les preuves que les gens vont être interrogés dans leur tombe et qu'ils vont être soit châtiés, alaykoum salam, ou bien ils seront dans les délices. Les preuves qui sont dans la sunna. الجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. La réponse, les hadiths authentiques venus montrer que les gens seront questionnés dans leur tombe et qu'ils seront soit châtiés ou récompensés dans leur tombe, ils sont tellement nombreuses, les preuves et les hadiths sont tellement nombreux qu'ils ont atteint un niveau d'authenticité incontestable. فَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالْ. Parmi ces preuves, un hadith qui nous est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et ce compagnon a été pendant 10 ans, khadim rasulillah, alayhi salatu wassalam, le servant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc il a pu écouter beaucoup de choses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses qu'il a entendues de lui, ce hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Inna al-abda idha wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu » وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le serviteur sera posé dans sa tombe et que les gens qui l'ont enterré s'en iront et se détourneront de lui et le laisseront après qu'ils l'ont enterré, il entendra les pas des gens qui partiront, le bruit des sandales ou des chaussures des gens qui s'éloigneront de lui, et à ce moment-là, deux anges viendront, et ces anges-là, ils s'appellent Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, deux anges viendront, ils le mettront en position assise et ils lui diront: que dis-tu de cet homme, c'est-à-dire Mohammed alayhi salam, qui est-il cet homme? Ils lui poseront cette question-là. Vous pensez que tout le monde va réussir à répondre? Celui qui va répondre, c'est celui qu'Allah a aidé à répondre, et celui qu'Allah aide à répondre, c'est celui qui obéit à Allah et qui suit cet homme-là, et celui qui suit cet homme-là, c'est celui qui s'instruit et qui apprend qui est cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme-là veut? Qu'est-ce que cet homme-là a interdit? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, pardon, alayhi salatu wassalam, nous dit que les anges, ils le mettront assis et lui diront: que dis-tu de cet homme? C'est-à-dire, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il répondra, c'est-à-dire le croyant à la foi ferme, va répondre: je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et le messager. Alors l'ange lui dira: regarde la place qui t'était réservée en enfer. Ensuite, Allah te l'a changé et t'a donné à la place, ou au lieu de ça, il t'a donné une place au paradis. Les hadiths qui nous parlent de la tombe, ils sont nombreux. Dans les autres hadiths, on a l'éclaircissement de ça. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous explique qu'en fait dans la tombe les anges vont venir pour lui poser les questions. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'ordre aux anges de montrer à cet homme là deux choses, une place en enfer et une place au paradis. Devant lui, pendant qu'il sera dans sa tombe, une porte va s'ouvrir sur l'enfer et il va regarder et il va lui dire انظر الى هذا المقعد ou comme a dit le Nabi alayhi salam, regarde cette place en enfer. Lorsqu'il va voir cette place, il va avoir peur d'y entrer. Il va avoir peur d'y entrer. Ensuite, ça c'est pour le croyant qu'Allah va aider. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cet ange de fermer cette porte et de l'ouvrir la porte du paradis. Avant de la fermer, l'ange va lui dire, c'est la place dans laquelle tu as failli entrer si tu avais désobéi à Allah. Ensuite, cette porte va se fermer et la porte du paradis va s'ouvrir. Il va lui dire, regarde cette place. Il va regarder cette place. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه من روحها وطيبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et le parfum et les délices du paradis vont venir jusqu'à lui. Il va les voir à un point, il aura envie d'y aller tout de suite. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit que l'ange va lui dire, voici la place que tu as gagnée parce que tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith là on a l'explication de ce qu'on est en train de lire ici. L'ange va lui dire, regarde cette place, c'est-à-dire la place qui est en enfer, regarde-la bien. Lorsqu'il va la regarder, il va être effrayé, il va être terrifié. Il va être terrifié. Nous, on ne lui faut pas qu'on écoute ça, comme je le dis tout le temps, juste parce qu'on est samedi, c'est entre le Maghreb et l'Isha. Il faut que tu te mettes dans cette situation, et après. Et l'ilm, c'est pas juste pour lire et pour connaître. C'est pour sentir ses effets. C'est pour que ça touche le cœur. C'est pour que tu sentes que tu es concerné. Qu'est-ce que tu as fait pour préparer ce jour-là? C'est pas juste pour apprendre et dire que j'ai connu, j'ai lu 40 hadiths, 50 hadiths, 1000 hadiths. On lit ça, les savants, Abdurrahman al-Fa'alibi rahimahullah, c'était un des savants de l'Jazair, un des savants de l'Algérie, il y a longtemps, ou il y a un certain temps. Lorsqu'on lui lisait al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths du prophète, alayhi wa sallam, la yasma'u hadithan minha illa wa huwa yabki. Il n'entendait pas un seul hadith de ces 40 hadiths sans fondre en larmes et sans partir en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il entend la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. L'imam Malik rahimahullah a entendu un homme, il a entendu un homme parler pendant que quelqu'un récitait un hadith. كان أحد من الناس يقرأ حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو يتكلم أثناء قراءة الحديث. Cet homme-là s'est mis à parler pendant qu'on lisait le hadith. L'imam Malik rahimahullah lui a dit, إِنَّكَ رَفَعْتَ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Oscoute, il lui a dit, tais-toi, tu as levé ta voix au-dessus de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ensuite il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez la foi, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète et ne lui parlez pas avec une voix haute comme vous le faites les uns les autres entre vous. Il se peut que vos actes deviennent nuls, annulés par Allah, sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc les savants, quand ils écoutaient un hadith, la première chose qu'ils faisaient, ils recherchaient leur cœur dedans. Ce n'est pas une information d'un temps passé pour passer le temps, c'est pour rechercher ton cœur. Quand tu entends qala rasulullah, c'est un moyen pour toi de savoir si ton cœur il est vivant. Quand tu entends qala Allah, c'est un moyen pour toi de savoir si ton cœur il est vivant. C'est un moyen pour toi de monter ta voix. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas le journal. C'est la parole du meilleur homme qu'Allah a créé. L'homme qu'Allah a choisi, cet homme-là, il a parlé à Allah. Subhanahu wa ta'ala, fi laylatil isra wal mi'raj, dans la nuit du voyage nocturne. Donc quand tu viens écouter un hadith ou un verset, aie le bon comportement. Aie le bon comportement. Et écoute la parole et regarde ton cœur comment il est, car c'est le seul moyen pour guérir nos cœurs d'écouter ces hadiths là et de les apprendre. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cet ange va lui dire, regarde cette place en enfer. quand il va la regarder, il va être effrayé, terrifié. Et à ce moment-là, l'ange va lui dire, regarde l'autre. Il va lui fermer la porte de l'enfer, il va lui ouvrir celle du paradis, et il va lui dire, c'est la place que tu as gagnée parce que tu as oublié Allah. Pour qui ça? Pour le croyant qui a été raffermi par Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il va voir l'entrée en enfer et l'entrée au paradis. Et Qatada, l'élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous dit, on nous a dit que la tombe sera écartée. On nous a dit que la tombe sera écartée. Et le prophète, alayhi salam, nous a dit que la tombe du croyant, ثُمَّ يُمَدُّ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ, la tombe du croyant va être écartée et la taille est égale à la portée de la vue, c'est-à-dire tout ce que ton œil peut atteindre. La tombe va être écartée, celle du croyant. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, le prophète alayhi salam a dit, quant à l'hypocrite et le mécréant, alors il lui sera dit, que dis-tu de cet homme, c'est-à-dire Mohammed alayhi salam, et il répondra, la adri, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien de cet homme. Regardez, on parle de qui ici? De l'hypocrite et du mécréant. L'hypocrite, il sait c'est qui Mohammed alayhi salam ou il ne sait pas? Il sait c'est qui. Beaucoup de mécréants, si ce n'est pas la plupart, ils savent c'est qui Mohammed alayhi salam ou bien ils ne le savent pas? Ils savent c'est qui. Pourquoi dans la tombe il va dire la adri? Pourquoi dans la tombe il va dire je ne sais pas alors qu'il savait? Parce que savoir qui est le messager d'Allah alayhi salam, c'est pas juste connaître son nom, c'est le suivre, le mettre en pratique sa sunna, le obéir. Ça c'est savoir c'est qui. Quant à connaître son nom sans le suivre, ce n'est pas savoir c'est qui. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam nous dit que cet homme-là va nous dire hahim hahim la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu. يعني قلت كما قال الناس قالوا محمد رسول الله قلت محمد رسول الله ومتى علمت معنى هذا فلا ينفعه هذا. Dans un autre hadith, le prophète عليه السلام nous dit que cet homme-là va dire hahim hahim, je ne sais pas. Hahim, cette parole en arabe, c'est la parole qui est dite par la personne qui a le plus grand regret, à un point où ça lui ronge tout son corps et tout son cœur, il en souffre et il souhaiterait revenir dans ce bas monde. Hahim, hahim, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme si qu'il dit malheur à moi qu'Allah me détruise, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire quelque chose et j'ai dit la même chose qu'eux. Les savants nous disent, regardez, il a répété la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, comme les gens l'ont dit, mais comme il ne l'a pas appris, il ne l'a pas mis en pratique, il n'a pas compris le vrai sens de cette parole, ça ne lui sera d'aucune utilité quand il sera dans sa tombe. Donc le croyant, quand il entend ça, il doit craindre son il doit craindre sa fin. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, je disais ce que les gens disaient. Fayuqal la daraita wa la talait, et on lui répondra tu n'as pas su et tu n'as pas lu, c'est-à-dire tu n'as pas lu le Coran et tu n'as pas lu la sunna, tu t'es pas renseigné, tu n'as pas su. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darba, puis les anges le frapperont avec des massues, les marteaux immenses, des massues en fer. On lui donnera un seul coup. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ ثَقَلَيْنِ. Il va hurler, il va pousser un cri tellement fort que on va l'entendre. Dans ce hadith-là, ici, il nous dit, ceux qui sont proches de lui vont l'entendre, sauf les djinns et les hommes. C'est-à-dire que tous les animaux vont entendre, ou les animaux qui sont proches de lui vont l'entendre. Et dans l'autre hadith aussi, qui est aussi authentique, le prophète nous donne plus de détails, alayhi salam, et nous dit, فَيَسْمَعُهُ الْحَيَوَانِ ou كَمَا قَالَ alayhi salam, les animaux l'entendront. Ou j'ai oublié en fait le hadith, mais le sens c'est que tout le monde va l'entendre, sauf les djinns et les hommes. Tous les animaux vont l'entendre, sauf les djinns et les hommes. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam nous dit le nom de cette massue avec lequel il sera frappé, c'est Mirzabba. Al-Mirzabba mitraqatun azima min hadith. Qala an-nabi alayhi salam, law duriba biha jabalun lakana turaba. Le prophète alayhi salam dit il sera frappé avec ce qu'on appelle Al-Mirzabba, c'est-à-dire la massue immense en fer. Si on frappait par celle-ci une montagne entière, elle s'effondrerait en poussière. Elle tomberait en poussière. Wa hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala. Et le hadith que nous rapporte Abdullah ibn Umar, le prophète alayhi sallam a dit: Inna ahadakum idha mat urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام dit: Il sera exposé et montré à l'un d'entre vous, c'est-à-dire à chacun de vous, sa place dans laquelle il va entrer le matin et le soir. On lui montrera l'endroit où il va aller. S'il va aller en enfer, dans sa tombe, il verra l'endroit où il va habiter dans l'enfer, chaque matin et chaque soir. S'il va aller au paradis, dans sa tombe, il va voir l'endroit où il va habiter, chaque matin et chaque soir. Ensuite, on lui dira: voici ta place, jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite. Il va regarder ça jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscite. Wa hadithu al-qabrayni wa fihi innahuma la yu'adhaban. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين يعذب فيه اثنان قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو كما قال عليه الصلاة والسلام dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم est passé près de deux tombes et il a entendu des gens se faire châtier. Il leur a dit: voici deux tombes dans lesquelles les gens qui y sont enterrés sont châtiés. Ils ne sont pas châtiés pour une grande chose, si en vérité cette chose est grande. C'est-à-dire que pour eux, cette chose, elle était méprisable. Comme Allah a dit: wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Et vous pensez cette chose méprisable, sans valeur, alors que chez Allah elle est immense. Donc le prophète alayhi salam leur dit: voici deux hommes qui sont châtiés pour un péché qui pour eux était petit et en vérité il est énorme. Quant à l'un d'entre eux, il faisait de la colportation, c'est-à-dire que lorsqu'il entendait quelqu'un parler sur quelqu'un, il allait voir la personne et lui dénoncer, et ensuite il voir l'autre pour faire la même, et ainsi de suite. Et à cause de ça, ils mettaient le poison dans le cœur des croyants, à cause duquel ils vont se détester les uns les autres. Un tel a dit ça sur toi, un tel a dit ça sur toi, un tel a dit ça sur toi. À cause de ça, il est puni dans sa tombe. Quant au deuxième, c'est quelqu'un qui ne faisait pas attention à l'urine, al-baoul. Il ne faisait pas attention à l'urine. Quand il accomplissait ses besoins, il n'était pas propre. Donc il y avait de l'urine qui restait sur ses vêtements. Et ensuite, il allait faire la prière sans savoir qu'il avait de l'urine dans ses vêtements. Et Allah n'aime pas ça, parce que c'est une chose impure et il faut s'en nettoyer, donc il sera puni dans sa tombe. Wa hadithu Abi Ayyub radiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa qad wajabat ash-shams fa sami'a sawtan fa qala yahud tu'adhabu fi quburiha. Et aussi le hadith que nous rapporte, et tous ces hadiths là ils sont dans le Bukhari et Muslim, que nous rapporte Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il nous dit: le prophète alayhi salam est sorti lors du coucher du soleil, il a entendu un bruit et il a dit: des juifs qui sont châtiés dans leur tombe. Donc il a entendu un bruit et il a dit à ses compagnons: dans ces tombes il y a des juifs qui se font châtier par Allah. Wa hadithu Asma qama rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khatiba فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. Le prophète Asma رضي الله عنها عليكم السلام nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a prononcé un discours dans lequel il a parlé de la question que l'homme aura, à laquelle l'homme aura à répondre dans sa tombe. Lorsqu'il a parlé de ça, les musulmans qui étaient auprès de lui sont partis en larmes. Ils ont tous pleuré, ils sont partis en larmes. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha, Aisha ali radhiyallahu anha, ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ba'du salla salatan illa ta'awwadha min 'adhab al-qabr. Le prophète alayhi salatu wa salam Elle dit, je n'ai pas vu le prophète alayhi salam prier une seule prière sans demander de, dans cette prière, la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Wa fi qissati al-kusuf amarahum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an yata'awwadhu min 'adhab al-qabr. Et lorsqu'il y a eu une éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux sahaba, aux compagnons, de demander à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. Wa kullu hadhihi al-ahadith fi sahih ay al-Bukhari aw Muslim wa qad suqna minha نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع أي سلم الوصول. Donc ensuite l'auteur nous dit que dans un autre livre à lui, il a ramené plus de 60 hadiths authentiques qui nous parlent des supplices de la tombe dans son livre سلم الوصول. طيب. Après ça, on va maintenant on va réviser un peu et on va vous poser à chacun, on va essayer de vous poser à chacun une question. D'accord? Il reste combien de temps? Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Vous commencez à avoir peur ou pas encore? Oui, oui. Norman, il part pas parce qu'il a peur. Vas-y, tu peux y aller. La première question, c'est moi qui va désigner qui va répondre à cette question. Donc c'est pas la peine de répondre quand je pose la question. Moi je vais désigner. Ma awwalu ma yajibu 'ala al-'abd aw 'ala al-insan. La première chose, première question, quelle est la première obligation? Donc on est tous concernés par ça. Kulluna ma'niyun bi hadha al-kalam aw bi hadha al-su'al aw bi hadha al-jawab. On est tous concernés par cette question, on doit tous avoir la réponse. C'est interdit aux musulmans d'ignorer cette réponse. Celui qui pense avoir la réponse, il lève la main, sans le dire. Vous êtes sérieux? D'accord, je vais répéter la question. Quelle est la première obligation que les musulmans... Quelle est la première obligation que les serviteurs d'Allah ont? Quelle est la première chose obligatoire? Celui qui ne parle pas, juste il lève la main. Celui qui pense connaître la réponse. Allez. Sur toute la salle, il y a 30% de personnes, on va dire 40% de personnes qui ont répondu. Pardon, qui pensent avoir la réponse. Donc déjà les 60% qui n'ont pas répondu ou qui ne connaissent pas la réponse, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer cette réponse. Parce que c'est la première obligation que tu as depuis que tu es né jusqu'à ce que tu sortes de ce bas monde. Comment tu peux ignorer la première obligation? Donc les 40% qui restent, il faut savoir maintenant s'ils sont sûrs tous d'avoir la bonne réponse. Donc la personne qui va répondre... Elle a dit d'avoir la foi en Allah et en son prophète. C'est vrai ça. Ça fait partie de la première chose. Mais c'est... Quelqu'un il peut me dire. Barakallah fi. Jazakallah khairan. Atal Allah fi umrik. Allah yadkhiluk al-jannah wa yaghfir lak wa li walidayk. La personne qui a répondu est la personne la plus âgée ici. Allahumma barik. Il a dit la ilaha illallah. Am Ahmed, sahibuna, hafidhahullah. Donc, il a dit, c'est la ilaha illallah. Donc, ala kulli hal, il a raison à 100%, c'est ça. Mais, on peut dire, Muhammad, l'adoration d'Allah. Voilà, l'adoration d'Allah. أول واجب على الثقلين جميعا عبادة الله وحده لا شريك له وهو معنى لا إله إلا الله فإنما خلقنا لهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. La première obligation qu'on a, c'est d'adorer Allah seul et sans associé. C'est le sens de la ilaha illallah pour lequel l'ensemble des messagers a été envoyé. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que la raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour l'adorer seul et sans associé. La deuxième question, ma ma'na la ilaha illallah. Vous ne répondez pas. Celui qui pense avoir la réponse, il lève la main. Quel est le sens de la ilaha illallah? N'ayez pas peur. Celui qui pense avoir la réponse, il lève la main. Hussein, عندك معنى la ilaha illallah? Dis-le moi pas, mais je veux savoir si tu as le ma'na ou pas. Ouais. Taïb. Ah, c'est l'ahmar. عندك. Je sais qu'عندك. Lakin, vous savez pas que c'est comme ça qu'il faut le dire, mais عندك. والله الحمد. Parce que vous avez assisté à des durous, vous savez ça veut dire quoi. Taïb. Donc, la personne qui va me répondre, inshallah, c'est. C'est qui? C'est pas quoi? Khalid. La ma'bouda bi haqqin illallah. C'est-à-dire, la yastahiqu al-ibada illallah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le seul qui a le droit à l'adoration, c'est Allah. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Tayyib. Si quelqu'un dit, ma'na la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Il n'y a de créateur qu'Allah. Il n'y a de pourvoyeur qu'Allah. Il a raison ou pas? C'est ça le sens de la ilaha illallah? Il lève la main celui qui pense avoir la réponse. Non. Taïb. Malek, il n'a pas raison. Mais c'est vrai, il n'y a de créateur qu'Allah. Le poète disait ça, mais il n'avait pas raison. Jazakallah khair. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est que Quraysh, il savait que le seul créateur était Allah et ça n'a pas suffi pour faire d'eux des croyants. Donc, si le sens de la ilaha illallah était il n'y a de créateur que Allah, Quraysh aurait été des croyants, mais ils n'ont pas été mu'minous, n'ont pas été croyants. Donc, ils ont compris ce que ça veut dire, contrairement à des musulmans aujourd'hui qui ne savent pas ce que ça veut dire. ولهذا قال أحد العلماء لو كان أبو جهل حيا في هذا الزمن يسمع أحدا من المسلمين يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله لطمه. Un des savants, il a dit, je crois que c'est Cheikh Muqbil Rahimahullah, si mes souvenirs sont bons, si Abu Jahl, un des pires ennemis de l'islam, était vivant aujourd'hui et entendait l'explication donnée par certains musulmans de la ilaha illallah, à savoir, il n'y a que le créateur que Allah, il lui aurait donné une gifle. Il lui aurait donné une gifle, alors que c'est même pas un croyant. Taïb. Donc, la ilaha illallah, et la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui peut me donner un verset, ayah tufassiru ma'na la ilaha illallah, un verset qui explique ce que veut dire la ilaha illallah? Fadal, par exemple, wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a, adorer Allah et ne lui associer rien. Qu'est-ce qui peut me donner un autre? Ibrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Et il ne leur a été ordonné cependant que de n'adorer Allah, seul lui vont le culte exclusif. Ibrahim alayhi salam, quand il a été voir son père et son peuple, qu'est-ce qu'il lui a dit? Inni bari'um minkum ala. Bari bara. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني مما تشركون تعبدون مما تعبدون. Et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. Ça c'est la ilaha illallah. La ilaha إني بريء من هذه الآلهة إلا الله أي إلا الله الذي خلقني لا أتبرأ منه بل أعبده وحده لا شريك له. Aussi, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. طيب la question suivante, ما هي العبادة التي خلقنا الله لأجلها؟ Maintenant, Allah nous a créé pour l'adoration, comme on vient de le savoir. Qu'est-ce que c'est cette adoration? Donne-moi une définition de l'adoration pour laquelle Allah a été créé. خلاص تكفى répondre mais c'est bon mais vas-y tout acte qu'Allah aime malgré qu'il soit apparemment caché كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة toutes les paroles qu'Allah aime et agrée et tous les actes qu'Allah aime et agrée qu'ils soient apparents ou cachés كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال أو من الأعمال هي عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى toutes les paroles et actes qu'Allah aime sont des adorations. Vous avez compris? C'est ça l'adoration d'Allah. Tout ce qu'Allah aime et tout ce dont Allah est satisfait, il agrée, il veut ça, comme parole ou comme acte, eh bien c'est une adoration. Donne-moi un exemple. Allez, la sana, ça va être pour toi. Donne-moi un exemple de parole qu'Allah aime. La da'wa. La da'wa. D'accord. Donne-moi une parole là, tu peux dire tout de suite qu'Allah aime. Une parole qu'Allah aime. Quelque chose que tu prononces avec ta langue qu'Allah aime. La ilaha illallah, par exemple. N'importe quoi que tu dis avec ta langue qu'Allah aime. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ittaqillah. Isbir. La al-an. Hadha al-kalam fi dars. Kalam yuhibbuhu Allah. Azza wa jalla. Toutes les paroles qu'Allah aime. Donne-moi, shérif, un acte qu'Allah aime. As-salat. On a dit des actes apparents ou cachés. Younous, qu'est-ce que ça veut dire? Des actes apparents ou des actes cachés? Des actes qui sont apparents comme la prière. Et quoi? Et cachés comme le jeûne aussi. Non. Non, attendez, attendez. Espero, c'est pas ça ma question. Ma question c'est. Ma question c'est. La question c'est quoi? C'est. Qu'est-ce que ça veut dire un acte apparent? Qu'est-ce que veut dire un acte caché? Malek, un acte apparent et un acte caché. Un exemple? Non, non, non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Un acte apparent, c'est un acte que les personnes voient que tu fais. Ouais. Et un acte caché, c'est un acte que seul Allah. Taille. Mais plus encore, c'est quoi un acte caché? Il est où cet acte? Il est dans le cœur. Donc on comprend qu'il y a des actes qu'on fait avec le corps et d'autres qu'on fait avec le cœur. Et ces choses-là sont des choses qu'Allah aime. Un exemple d'acte qu'on fait avec le corps, il a dit la prière. Et toutes les choses qu'on fait voir en apparence. Et il y a aussi des choses qu'on fait à l'intérieur. Et c'est pour ça que tu vas me donner un exemple d'acte qu'on fait à l'intérieur. Si, si, tu sais, mais. C'est ou pas? Quand je vais te donner la réponse, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, mais ce sera trop tard. Hein? L'intention. Le fait d'avoir une niya. Le fait d'avoir une bonne intention. Ça vient dans le cœur. Al-khawf min Allah, la peur d'Allah, hadha fil qalb. Al-raja rahmatillah, l'espoir à la miséricorde d'Allah, hadha fil qalb. Mahabbatullah, fawqa jami'il mahab, hadha fil qalb. L'amour d'Allah, tout ça c'est des choses qui sont dans le cœur et c'est des choses qu'Allah aime. Subhanahu wa ta'ala. طيب. Al-su'al, al-an. Maintenant la question suivante, comment on fait pour savoir d'une chose que c'est une ibadah? Comment on fait pour savoir d'une chose parmi tant d'autres que cette chose-là, c'est une adoration? Allah, il l'aime, subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on la fasse. Comment on fait pour savoir ça? Abdelaziz. C'est que c'était légiféré. Donc, ça, c'est la première chose. C'est parce que c'est légiféré. C'est-à-dire, Allah demande de faire cette chose-là. Dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de faire une chose, Allah ya'muruna bi shay, hada shay ibadah, mubasharatan. Dès qu'Allah nous donne l'ordre de faire une chose, cette chose est une adoration. Ça, c'est le premier moyen de connaître l'adoration, de savoir. Ibrahim, c'est quoi le deuxième moyen? Ça, ça y est, c'est ce qu'on vient de dire. Non, c'est pas ça. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Non. Dès qu'il y a un texte qui nous demande de faire une chose, cette chose-là, c'est une adoration. Et la deuxième chose, c'est quand Allah nous montre qu'il aime cette chose. فَإِذَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّبْرَ عِبَادَةٌ وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّهُ اللَّهُ لَوْ تَفَكَّرْتَ وَتَأَمَّلْتَ تَعْرِفَ الْعِبَادَةَ لَوَجَدْتَ. Si tu avais médité la définition de l'ibada, tu aurais trouvé. Tout ce qu'Allah aime, c'est une adoration. Lorsqu'Allah nous informe dans le Coran qu'il aime les patients, on a compris que patienter, c'est une adoration. Taïeb, vous avez compris? Taïeb. Maintenant, هل كل عمل يقبله الله سبحانه وتعالى؟ Est-ce qu'Allah تبارك وتعالى accepte tout ce qu'on fait directement, quoi qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il y a la réponse qui lève la main? Ah, Tawfiq. Regarde la question. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse? Tout ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'Allah il accepte forcément? La réponse non. Barakallah fait. C'est bon, va pas plus loin. Sinon, tu vas te tromper après. Tu vas vouloir expliquer. Mohamed. Ouais. Tawfiq, il a dit. Tout ce qu'on fait, c'est pas directement accepté. Allez, comment ça? Il y a des choses qu'on fait qui sont pas acceptées et des choses qui sont acceptées, c'est ça qu'il veut dire? Ouais, il y a des choses qu'on fait et que Dieu ne peut ne pas accepter, parce qu'il faut l'ikhlas fait la amal. Jazakallah khairan. C'est tout, il faut que l'ikhlas? Non, il faut l'ikhlas, il faut que الإخلاص لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. طيب هذا فقط. Le frère il a donné la moitié de la réponse. Il a donné la moitié de la réponse, c'est que chaque acte pour qu'Allah l'accepte, il faut être sincère, c'est-à-dire il faut le faire pour Allah. Ça veut dire que si moi je viens et je fais 2 rakat, mashallah, super belle, mais c'est parce que toi tu me regardes, Allah il en veut pas ces 2 rakat. D'accord? Donc il faut être sincère. Être sincère, c'est ne vouloir que la récompense d'Allah. Oui? C'est quoi la deuxième condition pour qu'Allah accepte les actes? D'une manière en fait, qu'il soit légiféré par la sunna et le Coran. La deuxième condition pour qu'Allah accepte, c'est que cet acte-là, tu dois le faire comme le prophète alayhi salam l'a fait. Ça ne te suffit pas d'être sincère. Tu peux avoir la plus grande sincérité. Si tu ne suis pas le prophète, Allah il ne t'accepte pas. Et ça ne te suffit pas de suivre le prophète. Tu peux suivre le prophète dans tout ce que tu fais, mais si tu ne fais pas pour Allah, Allah ne t'accepte pas. فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلَ الْعَامِلِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُخْلِصًا مُتَّبِعًا لِلسُنَّةِ. Allah n'accepte l'œuvre de quiconque tant qu'il n'est pas sincère et qu'il suit le prophète. Maintenant la question, alaykum salam. Ma huwa a'zam adh-dhulm wa a'zam adh-dhunub? Celui qui pense avoir la réponse, il lève la main mais il répond pas. Quel est le pire des péchés? Alaykum salam wa rahmatullah. Quel est le plus grave des péchés, la pire de toutes les injustices? Barakallah fik. Shirk billah. Jazakallah khaira. Inch'Allah, anta tamut ala tawhid, la tushrik billah shay'an. Donc le pire des péchés, c'est al-shirk, l'association d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la pire des injustices. Quelqu'un qui adore autre qu'Allah, c'est la pire des injustices. Allah yaghfiru shirk. La question suivante, Allah pardonne l'association? Il ne pardonne pas l'association. Pourquoi? Mohamed Ali, fadal. Allah pardonne tous les péchés quand on se repent, quand on demande pardon, quand on regrette et on abandonne, on arrête le péché. Allah pardonne même l'association. Mais les autres péchés, ou pardon, lorsque la personne elle ne se repent pas, Allah ne pardonne pas l'association. Si quelqu'un meurt, il a fait de l'association, il n'a pas demandé pardon à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Les autres péchés, s'il est mort et il a fait des autres péchés, il n'a pas demandé pardon à Allah, Allah il peut quand même lui pardonner, subhanahu wa ta'ala. Mais l'association, il faut absolument se repentir pour être pardonné. La preuve de ça, Allah Azza wa Jalla a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Et à part ça, il pardonne à qui il veut. Aïe, man mata yawm al-qiyama wa qad ashraka billah wa lam yatub, la yaghfiru Allah lahu. Amma idha ja'a bi dhunubin ghayr shirk, lakin lam yatub, faqad yaghfiru liman yasha subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset ici veut dire que celui qui meurt et qui a fait de l'association, Allah ne lui pardonne pas. Et celui qui meurt et qui n'a pas fait d'association, mais qui ne s'est pas repenti de ses péchés, soit Allah lui pardonne, soit Allah lui fait payer ses péchés en enfer, ensuite il fait sortir et il fait entrer au paradis. هل كل شرك سواء في الحكم. Maintenant la question suivante, est-ce que toutes les formes d'association sont pareilles dans le jugement, ou bien il y en a des plus graves que des autres et d'autres moins graves que les autres? Nassim, Malek, question suivante, est-ce qu'on dort au dars ou on écoute? Si qu'à la réponse. Vous avez tous la réponse, c'est quoi? On écoute. Allez, barakallahu fikoum. Abdelkarim. Vas-y. Non. Shirk Akbar. Shirk Khafi. Il y a deux catégories d'associations. L'association majeure, l'association mineure. La plus grande association est celle qui est juste en dessous. C'est le pire péché, mais il est en dessous de la plus grande association. Quelle est la différence entre ces deux types d'associations? Il y a le shirk majeur qui est sorti de l'islam et l'autre qui n'était pas sorti de l'islam. Celui qui fait de l'association majeure, la plus grande association, il est plus musulman. Il est plus musulman, il est plus croyant. C'est un mécréant, un associateur. Celui qui fait de l'association mineure, il a fait de l'association mais pas à un point à devenir mécréant. Vous avez compris? Donc l'association majeure fait sortir l'islam. L'association mineure fait baisser la foi terriblement, mais la personne elle n'est pas devenue mécréante. Maintenant, il nous faut des exemples de ça. D'où tu as sorti, toi, d'où tu as compris que l'association est majeure et mineure? Il faut une preuve. Tu n'as pas le droit de parler dans ça sans savoir. Vous avez une preuve ou pas? Personne? Le prophète il dit salam, le plus grand des péchés c'est le shirk. Non, là-dedans c'est vrai, il a dit ça, mais il n'y a pas la preuve que ça se divise en deux. Dans un hadith, le prophète salam dit ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Jazakallahu khair. Rawa l'imam Ahmad rahimahullah an Mahmoud ibn Labid. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سألوه عنه فقال هو الرياء أي تعمل عمل للناس هذا شرك أصغر فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شرك أصغر معنى هذا أنه يوجد شرك أكبر وإلا لما قال شرك أصغر La preuve de ça, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ses compagnons, la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Donc lorsque le prophète a été interrogé, qu'est-ce que l'association mineure? Il a répondu, l'ostentation. L'un d'entre vous fait sa salat et quand il voit quelqu'un le regarder, yujammilu salatahu lima yarahu min nadari rajuli ilayh, il embellit sa prière parce que quelqu'un le regarde. Celui-là, il a fait de l'association mineure. Donc si le prophète alayhi sallam a dit association mineure, ça veut dire qu'il existe l'association majeure. Jazakumullahu khayran. Donc il nous faut maintenant un exemple d'association majeure et un exemple d'association mineure. Un exemple qui montre que l'association elle se divise en majeure et en mineure. L'association majeure adorée autre qu'Allah, se prosterner devant les tombes. Par exemple, As-sujud li ghayrillah, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala, asharaka billah, ashirk al-akbar, alladhi akhrajahu min al-islam. Alaykum salam. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait du shirk akbar, il est sorti de l'islam. Un exemple de shirk asghar. Mohamed. Hein? Al-riya, l'ostentation. Mais on l'a déjà dit. Al-Karim. Hussein. Al-Halif bi-ghayrillah. Le fait de jurer par autre qu'Allah. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الشرك هذا هو الشرك الأصغر. Celui qui jure, le prophète a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Mais c'est de l'association mineure. Maintenant, il nous faut encore une preuve pour savoir comment on a fait pour savoir que c'est de l'association mineure. Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Il n'a pas dit majeur ou mineur, Muhammad. Celui qui va lire les horoscopes et les. Ah, t'es pas. T'es, t'es, c'est pas. Attends, attends, on voulait d'abord la réponse de ça. Là. Comment on sait que jurer par autre qu'Allah, al-halif bi ghayrillah, shirkun asghar, wa laysa akbar? Comment on sait? Quelqu'un sait ou quoi? Ibrahim, tu sais? Ben oui, c'est pas grave. On va te rappeler. C'est bon, hein, Ahmed. Hein? عندك نصيبك الحمد لله هلا نسيم Ouais mais c'est pas ça la réponse à ma question. Ma question c'est quoi? C'est comment on fait pour savoir que le halif bi ghayrillah shirk asghar la akbar la yukhrij min al-islam. Le dalil ala hada ma rawahu al-bukhari rahimahullah. Allez directement en français. La preuve de ça, l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que le prophète alayhi sallam adraka wahidan min as-sahaba ahadan min as-sahaba radiyallahu anhum yahlifu bi abi faqala la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut ولو كان هذا من الشرك الأكبر لأمره مباشرة أن يقول لا إله إلا الله حتى يدخل في الإسلام من جديد ولكن لما لم يأمره بهذا دل على أن هذا شرك أصغر لا يخرج من الإسلام. البخاري رحمه الله nous rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام a vu un compagnon jurer par son père. Il lui a dit, ne jurez pas par vos pères, celui qui veut jurer qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Il ne lui a pas dit, tu es sorti de l'islam, tu dois redire la ilaha illallah. Et si jurer par autre qu'Allah était de l'association majeure, il lui aurait dit directement. Donc quand il ne lui a pas dit, on a compris avec ça et l'autre hadith, celui qui jure par autre qu'Allah est associé, que c'est de l'association mineure et pas majeure. Taïb. السؤال هل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مباشرة؟ لا. جزاك الله خيرا. Est-ce que tous ceux qui disent لا إله إلا الله vont entrer au paradis؟ Non, ils vont pas entrer au paradis. قالوا للحسن البصري رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن ذهبت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك وإذا ذهبت بمفتاح له أسنان فتح لك يعني بذلك شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها شروط وكل عقد وعهد له شروط وأكبر عهد العهد مع الله بقول لا إله إلا الله فهذا له شروط فمن طبقها دخل الجنة ومن لم يطبقها لا يدخل الجنة. Donc celui qui dit لا إله إلا الله à la clé du paradis. Mais on a posé la question à Al-Hassan al-Basri, on l'a dit, La ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis? Il a répondu si, mais il n'y a pas de clé sans dents. Il y a des dents sur une clé. Il n'y a pas de clé sans dents. Si tu essayes d'ouvrir la porte avec une clé qui n'a pas de dents, la porte ne s'ouvre pas. Et si tu essayes d'ouvrir la porte avec une clé qui a des dents, la porte s'ouvre. De quoi il parle ici? Il parle des conditions de cette parole. Car la ilaha illallah, c'est un pacte, un contrat que tu fais avec Allah. Chaque contrat, il a des conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, le contrat il est annulé. Le plus grand de tous les contrats, le plus grand de tous les pactes, c'est le pacte que tu fais avec Allah quand tu as dit la ilaha illallah. Car quand tu as dit la ilaha illallah, tu t'es engagé à faire des choses. Et c'est ça les conditions de la ilaha illallah. Si tu ne fais pas ces choses, tu n'as pas respecté le contrat, Allah ne t'accepte pas. Et si tu fais ces choses, Allah t'accepte. ولهذا اليهود يقولون لا إله إلا الله لكن لا يقبلهم الله. المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن لا يقبلهم الله. Les juifs disent la ilaha illallah, mais Allah ne les acceptera pas. Les hypocrites disent la ilaha illallah, Allah ne les acceptera pas. Parce que cette parole a des implications, des choses que tu as l'obligation de faire. Des choses que tu as l'obligation de faire. Si tu les fais, tu as mis en pratique cette parole, et si tu ne les fais pas, tu as annulé ce contrat. Ma hiya shurut la ilaha illallah al-an. Quelles sont ces conditions de cette parole? إذن كل من قال لا إله إلا الله وعمل بشروط لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قال لا إله إلا الله ولا يعمل بشروط لا إله إلا الله لا يدخل الجنة. Tous ceux qui disent la ilaha illallah en mettant en pratique ces conditions entreront au paradis. Et ceux qui disent la ilaha illallah sans mettre en pratique ces conditions n'entreront pas au paradis parce qu'ils n'ont pas respecté le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme salam. Donc, quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Khalid. C'est pour le t'en as dit 4. T'en as dit 5. T'as voulu prendre le bayt de ma'arij al-qaboul. Hein? Al-ilm. Al-yaqin. Al-ikhlas. Al-sidq. Al-mahabba. القبول الانقياد هذه شروط لا إله إلا الله. Ce sont les sept conditions de cette parole. Les savants de l'islam, quand ils ont étudié cette parole à travers le Coran et la Sunna, se sont aperçus qu'à chaque fois qu'Allah nous dit celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis, on trouve une condition dans les hadiths, on trouve tout le temps une condition. La première, c'est la connaissance de cette parole, savoir ce que cette parole veut dire. Le prophète alayhi salam a dit man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a pour la dernière parole la ilaha illallah entrera au paradis. Et dans un autre hadith, il nous a dit ça, cette parole avec une condition. On va s'arrêter là parce que c'est la fin. Dans un autre hadith, il nous dit man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah wa huwa yafhamuha. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وهو يفهمها دخل الجنة بالجمع بين الحديثين. Dans un autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit celui qui meurt en connaissant le sens de la ilaha illallah entre au paradis. Donc on vient de voir en rassemblant les deux hadiths que celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah en connaissant son sens entre au paradis. Et ensuite il y a des autres hadiths dans lesquels il y a des conditions. On s'arrête là, on continue le samedi prochain inshallah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.